الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Allah est exempt de début et Allah n'est pas sujet au temps. » Allah est exempt de début et Allah n'est pas sujet au temps. Ça veut dire que Allah, il ne subit pas le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah. Allah n'a pas de début à son existence. Parce que le temps, c'est une créature. Allah, il ne subit pas une créature. Allah, il ne subit pas le temps. Le temps, c'est une créature. Allah n'est pas sujet aux créatures. Le Cheikh a dit, Allah Ta'ala existe avant le temps et avant l'endroit. Allah existe avant le temps et avant l'endroit. Avant les obscurités et avant la lumière. Allah, il existe avant les obscurités et avant la lumière. Allah Ta'ala n'est pas de l'ordre du monde palpable. Qu'est-ce que le monde palpable? C'est ce qu'on peut attraper avec la main. Comme la terre, comme la pierre, comme les astres, comme les plantes et l'homme. Tout cela, c'est l'ordre du monde palpable. Allah, il n'est pas ainsi. Il n'est pas de l'ordre du monde palpable. Il n'est pas non plus de l'ordre du monde impalpable. C'est quoi le monde impalpable? C'est ce qu'on ne peut pas attraper avec la main. Comme la lumière, comme l'âme, comme l'air, comme les djinns, comme les anges. Tout ça fait partie du monde impalpable. Allah, il n'est pas comme le monde palpable, il n'est pas comme le monde impalpable. Parce qu'il est différent de ce qui entre en existence. Il est différent des créatures. Les créatures entrent en existence. Allah, il est différent de ce qui entre en existence. C'est-à-dire qu'il est différent de toutes les créatures. Maintenant, si quelqu'un nous demande, nous dit, n'est-ce pas qu'un des noms de Allah, c'est Al-Latif? Si quelqu'un nous dit, n'est-ce pas, que parmi les noms de Allah, il y a Al-Latif. Hein, parce qu'en arabe, impalpable, c'est aussi le mot Latif. D'accord? Impalpable en arabe, ça veut dire Latif. Donc si quelqu'un dit, n'est-ce pas, que Allah, il a parmi les noms Al-Latif, la réponse à faire, c'est que Al-Latif, au sujet de Allah, ne veut pas dire impalpable. Ce n'est pas impalpable, ça veut dire autre chose. Le nom de Al-Latif, qui est un des noms de Allah, signifie celui qui est miséricordieux envers ses esclaves. Al-Latif signifie celui qui est miséricordieux envers ses esclaves. Ou encore, une autre définition, Allah, il est celui qui n'est pas atteint par l'imagination. Allah, il est celui qui n'est pas atteint par l'imagination. L'imagination de l'être humain n'arrive pas à reconnaître, à atteindre la réalité de Allah. Donc, Allah n'est pas atteint par les illusions. Allah n'est pas atteint par les illusions. C'est-à-dire, les imaginations des esclaves n'arrivent pas à la réalité de Dieu. Les imaginations des esclaves n'arrivent pas à la réalité de Dieu. Car l'illusion de l'être humain tourne autour des choses perceptibles auxquelles l'être humain est habitué. L'illusion de l'être humain tourne autour des choses perceptibles qu'on perçoit avec les sens et auxquelles nous sommes habitués. c'est-à-dire des choses qui ont des limites, des choses qui ont des formes, des choses qui ont des aspects. Donc ça, l'illusion de l'être humain, l'imagination de l'être humain, imagine des choses qui ont des limites, qui ont des formes, qui ont des aspects. Or, Allah, il n'est pas ainsi. Allah, il n'est pas de ceux qui ont une limite. Allah, il n'est pas de ceux qui ont une forme. Allah, il n'est pas de ceux qui ont un aspect. C'est pour cela qu'il nous est défendu, il nous est interdit d'essayer d'atteindre la réalité de Dieu. Il nous est interdit d'essayer d'atteindre la réalité de Dieu, mais nous avons reçu l'ordre de réfléchir au sujet de ces créatures. C'est un ordre pour nous de méditer au sujet des créatures. Pourquoi ? Parce que quand tu réfléchis au sujet des créatures, ça renforce la certitude au sujet du Créateur. Méditer au sujet des créatures renforce la certitude de la toute-puissance de Dieu, de l'existence de Dieu, de la science de Dieu. Donc ça te renforce la certitude au sujet de Dieu et au sujet de ses attributs. Le Cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il n'a donc pas d'égal, ta'ala, ni de semblable à son être, à ses attributs ou à son acte. Allah n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable à son être, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable à ses attributs, il n'a pas d'égal ni de semblable à son acte. En effet, s'il était semblable à ses créatures en quoi que ce soit, comme par le fait d'avoir un volume, un mouvement, une immobilité et ce qui est de cet ordre, il n'en serait pas le créateur. S'il était semblable à ses créatures en quoi que ce soit, comme par le fait d'avoir un volume, un mouvement, une immobilité et ce qui est de cet ordre, il n'en serait pas le créateur. Ainsi, Allah Ta'ala est exempt de ce qui a un début, et de même tous les attributs de Allah sont son début. Donc l'être de Allah, sa réalité, n'a pas de ressemblance avec les réalités des créatures. L'être de Allah, sa réalité, n'a pas de ressemblance avec les réalités des créatures. Et les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. L'être de Allah n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures, et les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Car les attributs de Allah sont éternels, alors que les attributs des créatures sont créés, sont entrés en existence. Les attributs des créatures, il aurait possible d'évoluer, il aurait possible de changer. Or, les attributs de Allah sont de toute éternité. Les attributs de Allah ne changent pas et n'évoluent pas. Allah Ta'ala, il n'a pas un attribut qu'il n'a pas de toute éternité. Il n'a pas de nouvel attribut qu'il n'aurait pas eu de toute éternité. Tous les attributs qu'il a sont des attributs de toute éternité. Il n'acquiert pas de nouveaux attributs. Nous acquérons de nouveaux attributs. Allah, lui, il ne lui arrive pas d'avoir un attribut nouveau qu'il n'a pas auparavant. Allah, il ne lui arrive pas d'avoir un nouvel attribut qu'il n'a pas auparavant. Les attributs de Dieu, il les a de toute éternité, car il ne change pas, car celui qui change est créé. Et lorsque nous parlons de l'acte de Allah, n'est-ce pas, nous avons dit que Allah n'a pas de semblable à son être, il n'a pas de semblable à ses attributs, il n'a pas de semblable à son acte. Qu'est-ce que ça veut dire l'acte de Allah ? L'acte de Allah, c'est-à-dire, c'est son attribut par lequel il donne l'existence. L'acte de Allah, c'est son attribut par lequel il donne l'existence à ce qui n'existe pas. Nul autre que Allah n'a d'acte dans ce sens-là. Nul autre que Allah n'a d'acte dans ce sens-là. Allah Ta'ala, il fait par sa puissance qui est de toute éternité. par son takwin, c'est-à-dire le fait de faire exister, sans qu'il n'y ait de contact ou d'utilisation d'outils. Ce n'est pas comme nos actes à nous. Nos actes à nous sont en touchant, en utilisant des instruments. Allah Ta'ala, son acte est par son acte, par sa puissance et son attribut de faire exister, sans qu'il n'y ait de contact de quoi que ce soit. Et ça, c'est la croyance qu'avait eue Al-Bukhari. Vous savez, Al-Bukhari, dans son Sahih, dans le livre de At-Tawhid, il a dit « وَالْفِعْلُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَالْمَفْعُولُ مُكَوَّنٌ مُحْدَثٌ وَالْفِعْلُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ » L'acte de Allah, c'est son attribut qui est de toute éternité. L'acte de Allah, c'est son attribut qui est de toute éternité. Ce qui résulte de son acte, c'est ce qui est fait exister et c'est ce qui entre en existence. Ce qui résulte de l'acte de Allah, c'est ce qui est fait exister et c'est ce qui entre en existence. Et cette croyance qui a été ainsi énoncée par Al-Bukhari est conforme à l'école des Maturidites dans la croyance. Elle est conforme à l'école de l'imam Abu Mansour Al-Maturidi. Et également, elle est conforme à l'école de certains premiers Ash'arites, les Ash'arites les plus récents, les plus anciens. À savoir, ils disent que les attributs de l'acte sont de toute éternité. Les attributs de l'acte de Allah sont de toute éternité. Comme les attributs de son être. Ils ont dit qu'il y a les attributs de l'acte et les attributs de l'être. Les attributs de l'acte de Allah sont de toute éternité et les attributs de l'être de Allah sont de toute éternité. Et cet avis-là a été retenu comme étant le plus fort par le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. L'acte de Allah, son résultat, a lieu sans aucun manquement. Lorsque Allah Ta'ala agit, le résultat de son acte se réalise. Il n'y a pas de manquement à cela. Lui seul est ainsi. C'est-à-dire, lui seul, il est celui dont l'acte, le résultat de l'acte se réalise sans aucun manquement. C'est-à-dire, s'il veut qu'une chose se réalise suite à l'action d'une créature, alors cette chose se réalisera. S'il veut qu'une chose se réalise suite à l'action d'une créature, alors cette chose se réalisera. Si quelqu'un, par exemple, si Allah veut que je pousse cette table suite à l'effort que je fais sur cette table, si Allah veut que cela ait lieu, eh bien cela va avoir lieu. Si Allah veut qu'une chose se réalise suite à l'acte d'une créature, eh bien cette chose se réalisera. Le shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, ainsi, Allah Ta'ala est exempt de ce qui a un début. Il n'a pas pour attribut quelque chose qui a un début. Et de même, tous les attributs de Allah Ta'ala sont sans début. Tous les attributs de Allah Ta'ala sont sans début. Aussi, pour marquer l'importance de ce sujet, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, dans une de ses cinq épîtres, qui sont confirmées comme étant siennes, tout comme l'a cité le hafiz, le spécialiste de la langue, Murtada al-Zabidi. Qu'est-ce que Abu Hanifa a dit? Il a dit, celui qui dit que les attributs de Allah ont un commencement. Celui qui dit que les attributs de Allah ont un commencement. Ou qui en doute, il doute, est-ce que les attributs de Allah ont un commencement ou pas. Ou ne prend pas position. Qu'est-ce que ça veut dire, ne prend pas position? Par exemple, il dit, moi, je ne dis pas que les attributs de Allah sont exempts de début. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas exempts de début. C'est ça, ne pas prendre position. Donc celui qui dit que les attributs de Allah ont un commencement, ou qui en doute, ou qui ne prend pas position, il est mécréant. Voilà la parole de Abu Hanifa. Il l'a cité dans son livre Al-Wasiyyah. C'est-à-dire que celui qui dit peut-être que les attributs de Allah sont de toute éternité, et peut-être que les attributs de Allah ne sont pas de toute éternité, ils sont entrés en existence. Ou il dit, moi, je ne rentre pas dans ça, c'est quelque chose qui me dépasse, je ne dis pas que les attributs de Allah sont de toute éternité, et je ne dis pas que les attributs de Allah ne sont pas de toute éternité. Dans les deux cas, celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train d'adorer ? Il dit, c'est comme s'il dit, peut-être Dieu, et Dieu, peut-être Dieu est une créature. C'est ça. Quand il dit, moi je ne dis pas que les attributs de Allah sont de toute éternité, et je ne dis pas que les attributs de Allah ne sont pas de toute éternité. Ou bien il doute, il dit, peut-être que les attributs de Allah sont de toute éternité, mais c'est possible aussi que les attributs de Allah ne sont pas de toute éternité. Celui qui a un de ses attributs qui n'est pas de toute éternité, c'est-à-dire ses attributs entrent en existence. Et celui dont l'attribut entre en existence, lui-même, il est entré en existence. Donc celui qui ne fait pas la différence entre Dieu et ses créatures, il n'a pas connu Dieu. Celui-là, il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'il a qualifié Dieu des caractéristiques des créatures. Il a donc insulté Dieu. Il a rabaissé Dieu, puisqu'il lui a attribué des choses qui sont de l'ordre de la créature. Vous voyez combien c'est important d'apprendre. Parce que celui qui n'a pas appris, il peut être embobiné par des gens comme ça qui appellent à l'ignorance. Il y a des gens qui appellent à l'ignorance. Ils leur disent, pourquoi tu rentres dans ces sujets, toi ? Toi, tu fais la prière, tu fais le jeûne, tu fais l'aumône, tu as le bon comportement, tu es poli, tu es gentil, et laisse tomber le reste. En réalité, cette personne, pour qui est-ce qu'elle doit faire des actes d'adoration ? Pour quelque chose qu'elle s'est imaginé ? Hein, si lui ne fait pas la différence entre Dieu et la créature, quand il fait la prière, il fait la prière pour les créatures. Vous voyez ? Donc c'est pour cela que c'est important. La première chose à connaître, c'est le Créateur. Le premier sujet à connaître, c'est de connaître le Créateur et de connaître le Prophète. Rappelez-vous une chose, notre maître Mohammed, quand il a reçu la révélation, il est resté à la Mecque 13 années avant d'émigrer à Médine. Et durant ces 13 années, il n'y a pas eu la révélation des cinq prières quotidiennes, il n'y a pas eu la révélation du jeûne de Ramadan, il n'y a pas eu la révélation du pèlerinage à la Mecque. Donc 13 années, qu'est-ce que le prophète il faisait ? Il parlait de Dieu et des prophètes, il parlait de la croyance. Vous voyez ? Donc c'est pour vous montrer l'importance de connaître le Créateur. Si la personne ne connaît pas le Créateur, comment est-ce qu'elle va s'assurer qu'elle est musulmane, qu'elle est croyante ? Si elle croit que le Créateur est un corps lumineux ou un corps qui a comme la forme d'un humain avec une barbe et des jambes et des pieds, qui est assis sur un siège tout en haut dans le ciel, celui-là il n'est pas musulman. Ou celui qui a pour croyance qu'Allah il a des attributs qui sont entrés en existence, c'est-à-dire qu'il croit que la parole de Dieu c'est des lettres et des mots, qu'Allah il parle puis il se tait, comme les créatures. Celui-là, il n'est pas musulman non plus. Le musulman, c'est celui qui fait l'absolue distinction entre le Créateur et la créature. Aqsara yatu. Al-ma'rifati billahi al-iqanu bi-wujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Notre maître Ahmed al-Rifa'i, il a dit, la limite de notre connaissance au sujet de notre Créateur, c'est d'avoir la certitude que Allah existe sans endroit et sans comment. La limite de notre connaissance de notre Créateur, c'est d'avoir la certitude que Allah existe sans comment et sans endroit. Le Cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, Al-Tahawi a dit, celui qui attribue à Allah une signification des humains, il devient mécréant. Celui qui attribue à Allah une signification des humains, il devient mécréant. Explication. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains. Et la première des caractéristiques des humains, quelle est-elle? C'est l'entrée en existence. C'est quoi l'entrée en existence? C'est d'exister après n'avoir pas existé. La première des caractéristiques des humains, c'est l'entrée en existence. C'est le fait d'exister après n'avoir pas existé. Les attributs des humains sont nombreux. Les attributs des humains sont nombreux. Il y a la position assise, il y a le contact, il y a la séparation par une distance, il y a le mouvement. Tout ça, ce sont des caractéristiques des humains. Il y a l'immobilité, il y a le changement d'humeur. Quelqu'un, il est heureux, ensuite il est malheureux, il est satisfait, puis il devient insatisfait. Ce sont des changements d'humeur. Il y a le fait de se déplacer de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Ce sont des caractéristiques des humains. Il y a le fait d'être situé dans un endroit. Le fait d'être situé dans un endroit, c'est une caractéristique des humains. Le fait d'être dans une direction, c'est une caractéristique des humains. Et ainsi de suite, beaucoup sont les caractéristiques des humains. Donc, At-Tahawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui qualifie Allah par une des caractéristiques des humains, alors il est mécréant. Donc, par contre, si nous disons que Allah il parle, ça ne revient pas à le qualifier d'une caractéristique des humains. Parce que lorsque nous disons qu'il parle d'une parole qui est de toute éternité, lorsque nous disons que Allah parle d'une parole qui est de toute éternité, qui n'est pas des lettres, qui n'est pas une voix. Donc cela ne revient pas à qualifier Allah par une des caractéristiques des humains. Ou encore, lorsque nous disons que Allah voit d'une vue qui est de toute éternité, une vue qui n'est pas à l'aide d'un œil, à l'aide d'un iris ou d'un cristallin. Ou encore, lorsque nous disons que Allah il entend d'une ouïe qui est de toute éternité, ce n'est pas avec des oreilles, ce n'est pas avec des instruments. Là, ça ne revient pas à attribuer à Allah les sens des humains, car il s'agit juste d'une coïncidence de termes. Le terme, c'est le même terme qui est attribué à la créature, mais ce n'est pas le même sens. Quand nous disons que Allah parle sans que sa parole ne soit des lettres, des mots, des sons, une langue arabe ou autre, mais c'est une parole qui est de toute éternité, qui est son attribut, par lequel il ordonne, il interdit, il promet, il avertit. Cela ne revient pas à le comparer avec les humains. Lorsque nous disons qu'Allah il voit d'une vue qui est de toute éternité, qui n'est pas à l'aide de Dieu ou de cristallin ou de nerf optique ou de rétine, donc tout cela, ça ne revient pas à lui attribuer les caractéristiques des humains. Lorsque nous disons qu'Allah il entend par l'attribut de l'ouïe, ce n'est pas avec des oreilles, ce n'est pas avec un tympan, ce n'est pas avec un conduit auditif ou un nerf ou quoi que ce soit des caractéristiques des humains, ce n'est pas avec un comment, ce n'est pas avec des instruments, ce n'est pas avec des organes. Cela ne revient pas à le comparer aux humains. Le shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, paragraphe suivant, exemption de Allah des endroits et confirmation selon la raison de son existence sans endroit. Allah Ta'ala n'a pas besoin des créatures. Allah Ta'ala n'a pas besoin des créatures. C'est-à-dire qu'il se passe de tout ce qui est autre que lui, éternellement son début et son fin. Il n'a donc pas besoin d'un lieu pour y prendre place. Allah n'a pas besoin d'un lieu pour y prendre place, ni d'une chose pour s'y incarner, ni d'une direction, car il n'est pas tel que l'une des choses qui existent. Allah n'est pas comme les choses qui existent. Il n'est ni un corps palpable, ni un corps impalpable. La localisation, le fait d'être situé dans un endroit, c'est un attribut des corps palpables et impalpables. Aussi bien les corps palpables que les corps impalpables ont des endroits. Par conséquent, Un corps palpable, aussi bien qu'un corps impalpable, est situé dans une direction et un endroit. Allah Ta'ala dit: Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun, qui signifie: C'est lui qui créa la nuit et le jour, le soleil et la lune, tous se déplacent dans une orbite. Tous se déplacent en une orbite. L'orbite, c'est la trajectoire. Allah Ta'ala a donc confirmé pour chacune de ces quatre créatures quelles sont-elles: la nuit, le jour, le soleil et la lune. La nuit, le jour, le soleil et la lune. Pour ces quatre créatures, Allah a confirmé qu'elles se trouvent dans son orbite, c'est-à-dire sa trajectoire. Explication: parmi les attributs du Dieu, c'est qu'il se passe de toutes choses. Il n'a besoin de rien. Alors que tout autre que lui a besoin de lui. Tout autre que lui a besoin de lui. Celui qui a besoin d'un endroit pour s'y installer ou pour se localiser, ce n'est pas un Dieu. Celui qui a besoin d'un endroit pour s'y installer ou s'y localiser, ce n'est pas un Dieu. Ali, que Allah l'agrée, a dit: Man za'am anna ilahana mahdoud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud. Rapporté par le Hafiz Abu Nu'aym dans le livre Hilyatul Awliya. Ce qui signifie: celui qui prétend que notre Dieu est limité, il aura ignoré le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. Celui qui prétend que notre Dieu est limité, qu'il a une limite, il aura ignoré le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. Que veut dire la parole de notre Maître Ali? La parole de notre Maître Ali est que Allah n'est pas un corps. Il n'est pas un corps de petite taille, il n'est pas un corps de grande taille. Allah n'est pas un corps de petite taille, il n'est pas un corps de grande taille. Il n'est pas semblable au plus petit des corps, qui est la partie qui ne se divise pas du corps. Il n'est pas semblable au plus grand des corps, comme le trône. Et il n'est pas un corps plus grand encore que le trône. Et il n'est pas un corps de taille intermédiaire entre le plus petit des corps et le plus grand des corps. Allah Ta'ala dit: Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, dans sourate Ar-Ra'd. C'est-à-dire que chaque chose que Allah a créée, il lui a donné une limite et une quantité. Et donc lui, Subhanahu wa Ta'ala, il est exempt de la limite, il est exempt de la quantité. Celui donc qui prétend que Allah serait un corps de très grande taille, que ce soit de la taille du trône, ou un corps de la taille de l'être humain, alors il aura contredit le verset. Tout comme il aura contredit un autre verset, une autre parole de Allah, « Laysa kamithlihi shay » dans Surat Ash-Shura, le verset 11, qui signifie « Absolument rien n'est tel que lui. » Car si Allah avait eu un corps, il aurait eu des semblables innombrables. Et si il était situé dans une direction, que ce soit la direction du haut ou autre, il aurait eu également des semblables innombrables. Toutes les directions pour Allah sont identiques. Il n'a pas une direction qui est proche de lui ou loin de lui. Tout le rapport de direction à l'être de Dieu est le même. Le rapport de direction à l'être de Dieu est le même. Ce sont des créatures, sans plus. Et Allah, il n'en dépend pas. C'est pour cela que on ne dit pas que Allah Ta'ala est loin ou proche par la distance. Mais nous disons Allah, il est qarib. Qarib, ça ne veut pas dire proche par la distance. Si Allah était au-dessus du trône, il serait loin, ba'id. Il ne serait pas qarib dans le sens de la proximité par la distance. L'imam Zainul Abidin, qu'Allah l'agré, Ali, fils de Hussein, fils de Ali, a dit dans As-Sahifa As-Sajjadiyya. As-Sahifa As-Sajjadiyya est une épître que Ali Zayn al-Abidin avait composée. Il avait dit entre autres Subhanaka antallah, la ilaha illa ant, Subhanaka antallah, la ilaha illa ant, la yahwika makan, la yahwika makan, la tuhassu, wa la tumassu, wa la tujass, la tuhassu, wa la tumassu, wa la tujass, qui est rapporté par le Hafid Muhammad Murtada al-Zabidi dans son livre Ithafu Sadat al-Muttaqin, avec une chaîne de transmission ininterrompue de lui jusqu'à Zayd al-Abidin. Alors, que veut dire cette phrase? Subhanaka antallah, tu es exempt d'imperfection, tu es Allah. Subhanaka antallah, tu es exempt d'imperfection, tu es Allah. La ilaha illa ant, il n'est de Dieu que toi. Il n'est de Dieu que toi. La yahwika makan, tu n'es pas contenu dans un endroit. Tu n'es pas contenu dans un endroit. C'est qui a dit cette parole? C'est le fils du petit-fils du prophète. Il est connu comme étant le meilleur des gens de la famille du prophète de son époque. Ali Zayn al-Abidin, fils de Hussein, fils de Ali. D'accord? Et qui a rapporté le Hafid Murtada al-Zabidi avec une chaîne de transmission qui est toute composée de descendants du prophète. La ilaha illa ant, il n'est de Dieu que toi. La yahwika makan, tu n'es pas contenu, tu n'es pas confiné dans un endroit. La tuhassu, wa la tumassu, wa la tujass, tu n'es pas perçu sensoriellement, tu n'es pas touché et tu n'es pas palpé. Tu n'es pas perçu sensoriellement, tu n'es pas touché et tu n'es pas palpé. Ici, c'est-à-dire dans le bas monde, Allah Ta'ala, il n'est pas vu par les créatures. Mais au jour du jugement, les croyants qui seront au paradis, leur plus grande récompense, c'est qu'ils verront Allah sans que Allah soit dans un endroit ou dans une direction. Parce que Allah nous l'a confirmé dans le Coran, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Des visages, ce jour-là, seront resplendissants de bonheur. Ils verront leur Seigneur. C'est-à-dire que les croyants, quand ils seront au paradis, leur plus grande récompense est de voir Allah. Sans que Allah habite au paradis. Sans que Allah soit dans une direction, eux ils regardent dans cette direction, ils vont le voir, et quand ils tournent la tête dans une autre direction, ils ne le voient pas. Non. Parce que ça, c'est propre aux créatures. Allah, il est vu sans qu'il ne soit dans une direction. Allah leur donne la force de le voir avec des yeux de leur corps, les corps qu'ils auront pour l'éternité, hein, puisque ce seront des corps qui ne seront pas anéantis, puisqu'au paradis, il n'y a pas d'anéantissement. Et ils verront Allah sans que Allah ait une quelconque ressemblance avec ses créatures. Et ça, c'est la plus grande des récompenses qu'Allah accorde aux croyants qui seront au paradis. Le shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: il suffit de citer comme preuve de l'exemption de Allah de l'endroit, de la localisation et de la direction, sa parole Ta'ala, Laysa kamithlihi shay, Surat Ash-Shura, verset 11, qui signifie rien, absolument rien n'est tel que lui. En effet, s'il était dans un endroit, il aurait des semblables et des dimensions. S'il était dans un endroit, il aurait des semblables. Il aurait des dimensions, une hauteur, une largeur et une profondeur. Or, ce qui est ainsi est entré en existence. Ce qui est ainsi a besoin de qui l'a limité par cette hauteur, cette largeur et cette profondeur. Telle est la preuve à partir du Coran. Tandis que dans le hadith, la preuve qu'Allah il est sans endroit, c'est ce qu'ont rapporté Al-Bukhari, Ibn al-Jaroud et Al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission forte, du degré de Sahih, dans lequel le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. » ce qui signifie Allah est de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Cela signifie que Allah est éternel sans début et qu'il n'y a rien d'éternel sans début avec lui. Ni eau, ni terre, ni air, ni ciel, ni kursi, ni piédestal, ni arche, ni trône, ni êtres humains, ni djinns, ni anges, ni temps, ni endroit, ni direction. Rien de tout cela n'est de toute éternité. Seul Allah est de toute éternité. Allah Ta'ala existe donc avant l'endroit, sans endroit. Allah Ta'ala existe donc avant l'endroit, sans endroit. Et il est celui qui a créé l'endroit. Il n'a donc pas besoin de l'endroit, puisqu'il existait de toute éternité sans les endroits. Il n'en a pas besoin. C'est ce qui est tiré du hadith précédemment cité. Donc nous avons vu une preuve du Coran, laïsa kamaslihi shay. Une preuve du hadith, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. Maintenant, les savants. Al-Bayhaqi dit dans son livre Al-Asma wa Sifat, certains savants de notre école ont pris comme preuve pour preuve que Allah existe sans endroit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, qui signifie tu es adh-dhahir, ça c'est un des noms de Allah, rien n'est donc au-dessus de toi. Tu es adh-dhahir, rien n'est donc au-dessus de toi. Et tu es al-batin, rien n'est donc en dessous de toi. Et tu es al-batin, rien n'est donc en dessous de toi. Fin du hadith. Le Bayhaqi, qu'est-ce qu'il dit suite au hadith? Il a dit, s'il n'y a rien au-dessus de lui et rien en dessous de lui, il n'est donc pas dans un endroit. S'il n'y a rien au-dessus de lui et rien en dessous de lui, il n'est pas dans un endroit. Donc le verset, laïsa kamatlihi shay, le hadith, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh, la parole des savants, la parole d'Al-Bayhaqi, il n'est pas dans un endroit. Le Shaykh a dit, ce hadith récuse tous ceux qui attribuent la direction à Allah Ta'ala. C'est-à-dire que ce hadith comporte la preuve qu'Allah il n'est pas dans un endroit, mais également le fait qu'Allah il n'est pas dans une direction. D'accord ? Puisque rien n'est au-dessus de lui, rien n'est en dessous de lui. Il n'est pas dans une direction. D'accord ? Celui qui est dans une direction du haut, il y a des choses en dessous de lui. D'accord ? Donc, ce hadith récuse non seulement la parole de ceux qui attribuent l'endroit à Allah, mais également ceux qui attribuent l'endroit, la direction. Vous voyez comment Cheikh Abdullah il a déduit une autre preuve à partir de cette parole de laquelle Al-Bayhaqi a déduit que Allah il n'est pas dans un endroit. Vous avez compris? Explication, lorsque nous disons que Allah est al-Zahir, c'est-à-dire que les preuves rationnelles indiquent l'existence de Allah, la puissance de Allah, la science de Allah et la volonté de Allah. Quand on dit Allah il est al-Zahir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les preuves rationnelles indiquent qu'Allah existe, qu'il est tout puissant, qu'il a pour attribut la science, qu'il a pour attribut la volonté, parce qu'il n'y a pas une seule chose sans qu'elle ne soit une preuve de l'existence de Allah. Il n'y a pas une seule chose qui existe sans qu'elle ne constitue de facto la preuve rationnelle de l'existence de Allah, tout comme l'a dit Abu al-Atahiyya. Qu'est-ce qu'Abu al-Atahiyya il a dit? فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ وَفِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ آيَةٌ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدُ وَفِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ آيَةٌ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدُ. Ça veut dire que qu'il est étonnant qu'il y ait des gens qui désobéissent au Dieu. Et qu'il est étonnant qu'il y ait des gens qui renient son existence. Alors qu'en toute chose, il y a un signe qui indique que Dieu est unique. Et dans chaque mouvement, il y a une preuve. Et dans chaque immobilisation, il y a une preuve. Ça veut dire que toutes les créatures, leurs mouvements, leurs immobilités, sont des preuves rationnelles de l'existence de Allah. C'est comme si ces créatures parlent et disent « Nous sommes des créatures de Dieu ». Parmi les créatures, il y a celles qui le disent réellement, comme les anges, comme les croyants parmi les humains et les djinns. C'est un témoignage perceptible, c'est un témoignage véritable. Et ceux qui ne parlent pas, alors c'est un témoignage dans le sens figuré. Leur existence est un témoignage dans le sens figuré. C'est comme si ces créatures disaient « Nous sommes des créatures d'un être qui a pour attribut la sagesse, la science, la puissance, la volonté, qui est exempt de tout défaut et qui est Allah. » Les objets inanimés, il se peut que ces objets parlent. Allah Ta'ala fait que des objets inanimés parlent. C'est possible selon la raison. Et parle d'un langage que les humains comprennent et témoignent de l'existence de Allah et de sa gloire, comme la nourriture qui a fait le tasbih entre les mains du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme la subha qui a fait le tasbih entre la main de Abu Muslim al-Khawlani. Il faisait le tasbih, vous savez, il s'était assoupi et la subha s'était mise à tourner dans sa main toute seule. Elle disait « Subhanaka ya mumbitan nabat wa ya da'ima thabat. Subhanaka ya mumbitan nabat wa ya da'ima thabat. Tu es exempt d'imperfection, ô toi qui fais pousser les plantes et qui ne change pas. » Cet événement a été rapporté par le Hafid Abul Qasim ibn Asakir dans son livre « Tarikh Dimashq ». Et le Cheikh a dit, il y avait une femme du côté de Arsen, au pays de Hacham. Un soir, elle passait entre les pieds de vignes et elle a entendu des vignes dire « Allah, Allah ». Donc, Allah Ta'ala, s'il veut, il fait parler des objets inanimés. Ça, c'est pour le nom de Allah al-Zahir. Donc, tout est une preuve de l'existence de Dieu. Les preuves rationnelles sont établis, qui prouvent qu'Allah existe, qu'il a pour attribut la puissance, la science, la volonté. Parce que chaque chose qui existe est une preuve en soi de l'existence de Dieu. Ça, c'est pour le nom Al-Zahir. Pour le nom Al-Batin, parmi les noms de Allah, cela veut dire, selon ce que certains savants ont dit, celui qui sait la réalité des choses. Allah, il est celui qui sait la réalité des choses. Ça, c'est une explication du nom de Allah Al-Batin. D'autres ont dit, Al-Batin, celui qui n'est pas atteint par les illusions. Il n'est pas atteint par les illusions. Les imaginations des créatures n'atteignent pas la réalité de Dieu. Les imaginations des créatures n'atteignent pas la réalité de Dieu. La réalité de Dieu, son être, aucune personne ne l'atteint, quelle que soit la réflexion poussée qu'il peut faire. Qu'il peut faire, personne n'atteindra la réalité de Dieu, son être. C'est pour cela qu'il nous a été défendu de réfléchir au sujet de l'être de Allah. Mais nous avons reçu l'ordre de méditer à propos de ces créatures. Alors que chacun, que l'être humain d'entre nous, médite à propos de sa propre personne à lui. Chacun d'entre nous qu'il pense à lui-même comment la nourriture et la boisson entrent d'un même orifice, par la bouche, et sortent de deux orifices différents. Et d'autres choses qui sont des caractéristiques de l'être humain. Ils pensent à ça, mais à d'autres caractéristiques de l'être humain. C'est par cette méditation, par cette réflexion, l'être humain parvient à la connaissance qu'il y a un être qui lui a donné l'existence, et que cet être n'a pas de ressemblance d'aucune manière que ce soit avec lui, c'est-à-dire que cet être n'est pas un corps et il n'a pas les caractéristiques du corps. Une telle méditation à propos des créatures de Allah est obligatoire. C'est un devoir de faire une telle réflexion. Allah, tabaraka wa ta'ala, nous l'a ordonné. Mais réfléchir et imaginer l'être de Allah, c'est-à-dire utiliser sa réflexion pour imaginer Allah, cela est interdit. Car tu ne vas pas parvenir à un résultat. Tu ne vas pas parvenir à un résultat parce que Allah est un être qui existe, mais pas comme ce qui existe. Allah est un être qui existe, pas comme ce qui existe. Le cher que Allah lui fasse miséricorde a dit, d'autre part, ou de plus, Ali, que Allah l'agrée, a dit, Allah existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité, et il est maintenant tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire sans endroit, rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Ce qui signifie, donc c'est ce que la parole en arabe, Allah kan Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan, c'est-à-dire Allah il est de toute éternité, et de toute éternité il n'y a pas d'endroit, et maintenant, c'est-à-dire après la création des endroits, Allah, il est comme il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Kan Allahu, c'est-à-dire de toute éternité. Wala makan, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Wahwal an, c'est-à-dire maintenant après la création des endroits. Ala ma alayhi kan, c'est-à-dire il est comme il est de toute éternité, c'est-à-dire comme il est de toute éternité sans endroit, il ne change pas. Car le changement est impossible à son sujet. L'évolution est impossible à son sujet. La transformation, le passage d'un état à un autre est impossible à son sujet. Donc la croyance correcte n'est pas basée sur l'illusion, mais la croyance correcte est fondée sur ce qu'implique la raison saine, sur ce qu'implique la raison saine. La raison saine est en effet témoin de la validité de ce qu'il y a dans la loi, de ce qui est parvenu dans la loi. Parce que celui qui a une limite a besoin de qui lui a donné sa limite. Celui qui a une limite, il n'est pas un dieu. Allah Ta'ala, il est exempt de la limite, il est exempt de la quantité, il est exempt du comment, il existe sans endroit et il n'est pas sujet au temps. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم